Les petites histoires de Telmi. Salut, moi c'est Diane et je collectionne les légendes. Récemment, j'ai découvert celle de l'univers de Dipongo. Et vous savez quoi? Elles vont vraiment vous épater. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende du pays des pâtisseries. Gérard était un dragon qui avait un péché mignon. Enfin, mignon, ça dépendait pour qui. Il raffolait des pâtisseries. Sauf que par chez lui, il n'en trouvait pas. En même temps, les dragons n'étaient pas vraiment connus pour leur talent de pâtissier. En revanche, ils n'avaient pas leur pareil pour terroriser. Alors, c'est ce qu'il fit. Gérard alla grogner et souffler dans tous les royaumes voisins, exigeant qu'on lui livre des pâtisseries. Mais cette fois-ci, le souci vint de son appétit. Personne n'arrivait à rassasier le dragon glouton. Même avec la meilleure volonté du monde, c'était mission impossible. Les souverains furent fort ennuyés et ne trouvèrent qu'une solution. Réunir une récompense royale. Pigeons, corbeaux et cavaliers furent envoyés dans tous les coins et recoins des mondes connus. Une armée de héros répondit présent et se cassa les dents. Même des légendes comme Gundar, le dévoreur de pierres, Felileu, le maître des flammes infernales, Fantobilus, le spectre terrifiant, Cadabru, l'illusionniste, ou Bru, le géant bigrement costaud, échouèrent lamentablement. Tout le monde se lamentait. Et puis, Robert, le ver de terre jardinier, et Romy, la souris sorcière pâtissière, se présentèrent devant l'antre du dragon glouton. Gérard sortit et gloussa. Le monde est si désespéré qu'il reste plus que deux microbes pour m'affronter. Vous faites fausse route, déclara Robert. Si nous sommes ici, c'est pour vous proposer un marché, car nous avons une idée qui pourrait vous satisfaire. Oui, renchérit Romy. Nous allons transformer vos terres en pays pâtissier. En 7 petits jours seulement, nous ferons pousser des arbres à guimauve, des grappes de truffes en chocolat et d'autres merveilles. Il y aura même des arbres ingrédients qui vous offriront tout ce dont vous aurez besoin pour créer vos délices sucrées les plus fous. C'est alléchant, mais je sais pas pâtisser. Je vous donnerai des leçons, foi de sorcière pâtissière. Romy et Robert tinrent leur promesse. Gérard eut tout ce qu'il fallait pour satisfaire ses envies. Et depuis ce jour, son pays pâtissier attire les gourmands du monde entier. Cette légende, c'est un tout petit aperçu de tout ce qu'offre l'univers de Dipongo. Si elle t'a donné envie de visiter ce royaume pâtissier et de créer de fabuleux gâteaux, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à tes parents de télécharger sur leur téléphone ou la tablette l'application Dipongo. D-I-P-O-N-G-O. Tu pourras vivre deux aventures avec Edgar gratuitement et en découvrir des tas d'autres en t'abonnant.